logique, y'a plus un Jigma. On veut de l'or dans l'art, c'est d'art avec ma Sigman. C'est tragique, y'a plus un Jigma. On veut de l'or dans l'art, c'est d'art avec ma Sigman. J'ai pas envie de devenir une star du showbiz. Le genre gère mes affaires et celles des autres qui s'y frottent. J'ai pas envie de connaître des périodes de crise. Que mon parcours se brise et qu'on évalue ma cote. J'ai pas envie qu'on prenne la tête pour des idées mal placées. Peut-être que j'ai pas envie d'être classé. Ben, j'fais du rap quand même. Tant pis si ça plaît pas. Tant pis si j'possède pas les critères qu'on aime. Au moins j'reste simple. J'ai pas à me travestir quand il s'agit de se vêtir. Bah moi j'reste humble. J'me suis posé tellement de questions que les réponses ont fusé. Dès que je suis aperçu qu'on me prenait pour un con. Et tu croyais ça, je me laisserais faire. Mais je suis au-dessus de ces conneries là et toi tu le sais frère. On défend tous notre vie, pire dans l'hip-hop on parle que de ça. Si je te jure je les entends rapper ainsi. J'ai honte, des frissons de pitié. Mais je le dis pas, ça me fait plaisir d'aller les féliciter. À composer des sons de merde sur lesquels des lyrics servent. À compter juste pour plaire. Moi j'aime ce que je fais alors je continue. Mais c'est trop tendu car les comportements sont trop ambigus. Je raconte pas ma life, je relate juste mes pensées. Parce que les gens m'énervent, parce qu'ils m'ont offensé. Et ça je suis que ce promis, simple et humble. Parce que j'ai pas envie de devenir une star du peace show. Tu le sais, alors je fais mon show en solo. Les gens sont sûrs de te rabaisse. Ne trouve que des défauts et des faiblesses. Mais ton écho se renforce sous sa fesse. Quand tu sais que la vie c'est le genre et les fesses. Les gens sont sûrs de te rabaisse. Ne trouve que des défauts et des faiblesses. Mais ton écho se renforce sous sa fesse. Quand tu sais que la vie c'est le genre et les fesses. J'ai l'impression que trop de gens crois s'y connaître mieux que moi dans le hip hop, mais je t'assure, moi je crois pas. Rien à foutre de l'attitude, j'ai toujours fait ce que j'aimais, ce que je voulais, donc personne peut me freiner. Je me vante, mais y'a trop de mecs que je nique. J'y peux rien, je me vante, dans mon rap c'est devenu mécanique. SX, c'est le blast que je défends quand je rappe. Si tu kiffes, c'est bien, sinon m'écoute rap. Dans ce milieu, tu sais, tout le monde se la raconte, je les compte pas, mais toute la journée j'éprouve honte sur honte. Du coup, je préfère rester seul avec mes idées sur ce monde. Pour s'en sortir, faut être immonde. Alors, je serai pas dans le showbiz, mais dans son ombre s'il le faut. Je prendrai les bons côtés de tous ses défauts. Susceptible, je le suis, toujours sur la défensive. Parce que je deviens peut-être dépressif. Trop gentil aussi, honnête et trop pensif. T'inquiète, je prépare dans ma tête mon offensive. Je ferai fort comme d'hab. Le blème, c'est que mes actes ne suivent pas mon âme et cassent un artefact. Dans ce milieu où j'évolue, brise. On croit tous pouvoir s'envoler, mais on prépare tous nos valises. C'est tragique, y'a plus un Jigma. On veut de l'or dans l'art, c'est d'art avec ma Sigman. SX au mic, SM3 ma clique à ma MIFA. Ok, tu me connais, écoute ça. Les gens sont sûrs de te rabaisse. Ne trouve que des défauts et des faiblesses. Mais ton écho se renforce sous sa fesse. Quand tu sais que la vie c'est le genre et les fesses. Les gens sont sûrs de te rabaisse. Ne trouve que des défauts et des faiblesses. Mais ton écho se renforce sous sa fesse. Quand tu sais que la vie c'est le genre et les fesses. Les gens sont sûrs de te rabaisse. Ne trouve que des défauts et des faiblesses. Mais ton écho se renforce sous sa fesse. Quand tu sais que la vie c'est le genre et les fesses. Les gens sont sûrs de te rabaisse. Ne trouve que des défauts et des faiblesses. Mais ton écho se renforce.